L'amour est un sentiment gay, digne d'être honnête. Dans l'amour faut de la franchise, ça c'est clair et net. Voilà tout ce que mon rap sème, je vous présente ce que mon cœur saigne. Oui, cette vie qu'on nous est parsemée, une vie fondée où l'on ne pouvait pas semer. La zizanie comme Zazie, tu l'as dit. Maintenant mon cœur pleure, tout le bonheur que j'ai vécu m'est retombé dessus. À genoux pendant des journées entières, j'ai arrosé ma ville de larmes telle une clairière. Je ne cessais de répéter mes prières. J'étais perdu bébé, mon seul aussi bébé, que je ne te reverrai plus bébé. Te nier, t'oublier, faudrait me tuer. Jamais je n'oublierai ces années passées à tes côtés. On s'est rencontrés prématurément, je disais qu'on ne s'aimerait pas, car je ne le voulais pas vraiment. Notre liaison s'est forgée, et comme le forgeron on suit de plus en plus. Je te dévoile mon cœur maintenant, mais je sais qu'il est trop tard, ma puce. Au fil des jours, des mois, des années, mes a priori ont changé. Je m'étais calé, je n'osais plus bouger. Tu étais la plus belle, et sans toi la vie ne serait plus que misère. Le sentiment devient très fort, on disait qu'on ne s'aimerait à jamais. Pour la vie, c'est toi qui l'a dit, c'est toi qui l'a dit. À toi, et pour toi je m'adresse diversement. Mais c'est tellement dur d'exprimer ce que je ressens juste par les mots. Mais il faut, car tu m'as redonné la foi. D'une étincelle tu as allumé le feu en moi, malgré tous les préjugés. Et ce que les gens disent, envoie You qui fait du rap. Le reste s'imprécise et tu as armé mon cœur. Sans les mots péjoratifs, tu es tournant de ma vie. Un changement des objectifs vers mes objectifs. Avec courage double, tu supportes ma gueule. Même si je mets une vie trouble, tu es mon calme, mon repos, tu es mon cri de guerre. Je veux avancer dans ma vie sans pouvoir te perdre. Certes, c'est pas juste ça que je veux te dire en même temps que toi. Et t'es paru mon empire, je m'arrête pas à me dire que tu es tombé pour moi et pour moi et mes sentiments. Je m'arrête pas, c'est pour toi tout seul. Je déclare ma flamme et sans hésiter, je te demande, veux-tu devenir ma femme, ma femme.